Pour la butée de sport local et régional, en parlant de Tim Tremblay, qui a remporté en fin de semaine le prestigieux Grand Prix de Valcourt de Skidoo. Donc, Tim Tremblay, en catégorie Pro Open, a réussi quand même à signer sa victoire et sa 14e à Valcourt. Il a réussi un temps de 9 minutes 26 secondes et 290 centièmes. Son meilleur temps lors de cette course est 32 secondes et 329 centièmes. En entrevue sur les ondes de danazosport.com, Tim Tremblay mentionne évidemment que c'est quand même ça fait quand même un petit velours de gagner à Valcourt. Ben, pour nous, c'est certain qu'on course aux États-Unis. Donc, de venir à Valcourt, c'est un autre circuit qu'on fait. C'est un circuit canadien. Puis, il y a des Américains aussi qui viennent. Mais je te dirais que c'est un petit peu moins relevé la compétition là, qu'aux États-Unis. Il y en a quand même des bons qui viennent, des pilotes bombardiers surtout, là, qui viennent pour faire sa course-là. Dans un deuxième temps, Tim Tremblay mentionne que c'est un certain avantage de connaître le circuit et connaître les réglages. Ben, c'est certain qu'à chaque année, on revient toujours à Valcourt, puis on a pas mal toujours les mêmes conditions. Là. C'est souvent froid avec la neige un peu plus dure. Donc oui, on connaît un peu les réglages, là, point de vue suspension, puis les cloches, puis tout ça. Mais je te dirais qu'à chaque année, les machines changent. Donc faut toujours se réajuster là, à chaque week-end là, selon la neige, la température, puis les conditions de la pluie. Tim Tremblay est au quatrième rang et il explique jusqu'à maintenant sa saison. Ils auront, je pense, 5 ou 6 podiums. Donc, c'est quand même pas si mal, mais je trouve que je ride bien. C'est quand même positif de ce côté-là. J'ai eu quelques petits bad luck là, dans les deux dernières courses là, que j'ai eu j'ai resté pris avec d'autres coureurs là, au premier tour. Donc, ça a vraiment handicapé un peu mes résultats. Mais, point de vue vitesse et tout ça, là, j'étais encore dans les plus vite, là, dans les trois premiers. Donc, je vais essayer que ça finisse bien l'année. OK. Alors, parlons maintenant du côté de la ronde novice à Tôme d'Orberval. Il y avait c'était la présentation des grandes finales de la ronde novice. Donc, les éperviers ont défait les Patriotes de Saint-Bruno 4-2 contre les Faucons. Et du côté maintenant de l'Atome 2A, les Sabres de Roberval ont gagné en 2-1 contre les Aiglons d'Alma. Alex Bussière était en compétition lors d'une compétition qui se déroulait à Boston. Et l'athlète de Dolbo Mustassini a pris le troisième rang au 1000 mètres avec un temps de 2 minutes 28 secondes. La prochaine compétition sera présentée à Guelph au cours du week-end. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. On s'est entretenu d'abord hier avec le maire de Saint-Eugène, de Michel Villeneuve, et également avec une entrevue avec Simon Paquette de Dolbo Mustassini, le judoka, qui fait quand même très très bien, qui s'en va au championnat du monde, ou va tenter de se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu très prochainement. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.